de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il n'y a que lui qui pouvait s'y reconnaître dans tout ça, dit Michael Lonsdale en examinant un manuscrit de Saint John Perse, l'un des états antérieurs d'un texte connu, une écriture, une graphie, petite, anormalement petite, des griffouillis à regarder à la loupe. Petite plage d'opacité que les amateurs de poésie aiment, puissance du mot, du son, de la langue, qu'on ne trouve que chez Perse. Perse, Saint John Perse, Saint Léger Léger, Une vie, une œuvre, Saint John Perse, le poète en exil, première diffusion sur France Culture le 23 février 1995. Regardez le premier texte, il y a des petites phrases. Et après, il rajoute. Mais bien sûr, c'est des. Moi, je pense que ce sont des stratégies rhétoriques d'amplification, mais que ce n'est pas du tout un travail d'élagage. Non. Ça, on va en parler. Je crois que ce n'était pas quelqu'un qui avait la plume très, très facile, mais que c'était plutôt quelqu'un qui était habitué, peut-être, je ne sais pas, c'était le style diplomatique, mais à des notes. Et après, il amplifiait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, ou qu'il me semble, à partir des manuscrits, deviner. C'est pas une écriture qui couvre toute la page. C'est une écriture avec toutes sortes de blancs, d'espaces, comme s'il y avait des îlots dans le texte. Et puis qu'après, il faille remplir les interstices entre ces îlots. Après, on accroît l'île un petit peu à chaque fois. Il me semble. Poésie, sœur de l'action et mère de toute création, initiatrice en toute science et devancière en toute métaphysique, elle est l'animatrice du songe des vivants et la gardienne la plus sûre de l'héritage des morts. Mais c'est de l'homme qu'il s'agit, et de l'homme lui-même, quand donc sera-t-il question? Quelqu'un au monde élèvera-t-il la voix? Car c'est de l'homme qu'il s'agit dans sa présence humaine et d'un agrandissement de l'œil aux plus hautes mers intérieures. Se hâter, témoignage pour l'homme. Saint John Perse, le poète en exil. Une émission de Bénédicte Niogret, dans une réalisation de Jean-Claude Loiseau. Texte dit par Michael Lonsdale et Sonia Emmanuel. Car c'est de l'homme qu'il s'agit et de son renouement. Quelqu'un au monde n'élèvera-t-il la voix? Témoignage pour l'homme. Que le poète se fasse entendre et qu'il dirige le jugement. Le poème de Perse, c'est toujours une caravane qui, à l'aube, s'ébranle et se met en chemin. Et il a toujours eu cet appétit des hauts plateaux, par exemple d'Asie, comme d'Anabaz, ou des vagues de l'océan qui sont comme des hauts plateaux, qui se relaient, comme dans Exil. Il a toujours eu ce désir de monde. D'où l'exigence en art d'une œuvre réelle et pleine qui ne craigne pas la notion d'œuvre et d'œuvre œuvrée dans sa totalité, impliquant d'autant plus d'assistance du souffle et de force organique, d'élévation de ton et de vision au-delà de l'écrit pour la conduite finale du thème à sa libre échéance. Poésie, science de l'être, car toute poétique est une ontologie. Toute poésie est une ontologie, dit-il. Eh bien oui, nous avons perdu l'être, et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de le retrouver. Nous avons perdu la langue originelle et le poète est celui qui va essayer de renouer avec cette langue originelle et de retrouver avec cette patrie perdue. Donc, en ce sens, on peut dire qu'il y a une sorte d'accord merveilleux qui s'est établi entre la précarité de son existence anecdotique d'homme et puis la dimension humaine de sa poésie. Il est en tout cas le poète de ce qu'on pourrait appeler le miroitement actuel du monde. Peut-être qu'il y a un problème grave, qui est que il faut choisir entre montrer un sens du monde et qu'il soit un monde étriqué, ou montrer un papillotement, un miroitement du monde qui soit un monde ahistorique. Et on devient ainsi peut-être une sorte plutôt de bonimentaire de la parade du monde que quelqu'un qui rend compte de l'histoire du monde, mais il me semble que je n'ai vu personne encore qui fasse les deux. L'exil perpétuel qui jalonne la vie de Saint John Perse aura été le fondement même de sa poésie. Il aura commencé tôt. Né en Guadeloupe en 1887, celui qui s'appelle encore Alexis Léger la quitte définitivement avec sa famille pour s'installer à Pau alors qu'il a tout juste 12 ans. Devenu diplomate, il part en Chine où il reste durant 5 ans et ce sera pour lui l'occasion d'élargir les paysages humains et d'étoffer l'épopée du monde qui deviendront la force de ses écrits. Une carrière politique le mènera des plus hauts postes de l'État. Il sera secrétaire général du Quai d'Orsay après avoir travaillé avec le ministre Aristide Briand jusqu'à la déchéance nationale due à l'instauration du régime de Vichy. Alors, un nouvel exil, les États-Unis, forcé, marquera la fin de ce personnage public et l'éclosion définitive du poète Saint John Perse, auréolé en 1960 par la remise du prix Nobel. Le lien entre l'homme et le monde, la présence immanente du sacré, seront ses moyens de rendre l'exil de l'homme sur la terre. Le dernier exil, son départ de ce monde, se fera dans la discrétion, en 1975. Car c'est de l'homme qu'il s'agit, et de son renouement. Toujours il y eut cette clameur, toujours il y eut cette grandeur, cette chose errante par le monde, cette haute transe par le monde, et sur toute grève de ce monde, du même souffle proféré, la même vague proférant une seule et longue phrase sans césure, à jamais inintelligible. Toujours il y eut cette clameur, toujours il y eut cette fureur, et ce très haut ressac au comble de l'accès, toujours, au fait du désir, la même mouette sur son aile, la même mouette sur son air, attire d'elle, ralliant l'estance de l'exil, et sur toute grève de ce monde, du même souffle proféré, la même plainte sans mesure, à la poursuite sur les sables de mon âme numide. Nous sommes à la Aix-en-Provence, à la Fondation Saint John Perse, avec vous, Joël Garde-Tamine, qui est la directeur de cette fondation, et nous avons pour chronique deux versions différentes du même texte, avec une écriture qui est très différente d'un manuscrit à l'autre. Alors effectivement, l'écriture est très différente, bien que nous soyons dans le cadre de l'écriture rééduquée, qu'il n'a plus abandonné, enfin depuis le moment où il a décidé d'en changer pour toutes sortes de raisons fort diverses. Il a toujours gardé cette écriture orientée vers la droite, mais il est vrai qu'il y a une grande différence entre ces deux manuscrits, qui représentent donc des étapes chronologiquement différentes. Le premier est plus près du brouillon, bien que le souci du soulignement constant marque qu'il avait déjà en tête l'italique, donc il avait déjà en tête l'étape de la publication. Il n'empêche que c'est un état antérieur que l'on voit considérablement surchargé. Et en revanche, lorsqu'on regarde ce brouillon que nous avons également sous les yeux, qui est un brouillon alors d'Anabase, donc d'un texte très antérieur, puisque Anabase date des années 1920, alors que Chronique est le dernier texte publié avant l'obtention du prix Nobel en 1960. Lorsqu'on regarde ce brouillon, on voit combien les choses sont différentes. Là où dans Chronique, on a donc un texte qui vient, qui est continu, dans Anabase, on a des fragments, une feuille qui est remplie d'une manière un peu anarchique, avec de grands interstices, de grands blancs, qui ont été remplis ensuite. Donc on a un texte haché. Et puis ce qui frappe, c'est la densité de ce texte, parce que, et puis l'écriture qui est très très très petite et pratiquement illisible en fait, quand on le regarde sans loupe. L'écriture est presque, je ne sais pas moi, anormalement petite. Enfin, on se demande quel œil de rapace il avait pour arriver à lire ce griffouillis, qui, lorsqu'on regarde à la loupe, effectivement manifeste bien les caractères de l'écriture qu'on retrouve dans Chronique, mais en tout petit. Alors en somme, on dirait qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, le brouillon, qui est par petites touches, par une petite écriture. Et puis au fur et à mesure qu'on s'achemine vers le manuscrit de prépublication, alors la page se remplit d'une manière plus dense, plus unie, et l'écriture devient de plus en plus large jusqu'au manuscrit de prépublication, le manuscrit de prépublication d'Anabase qui a été donné à Adrienne Monnier, a une écriture magnifique, très large, qui est presque de la calligraphie. Carnet, croisière aux îles Éoliennes. Aspara, 13-31 juillet 1967, extrait. Un bateau blanc face au rocher frappe à la porte de la muette, magicienne, du bec, nez. Un flanc de houle inattendu, fléau, nous arrache, enlève, à l'inattention, notre absence, indifférence, insolation, insulation, mutisme. Et des faits plus qu'elles n'auront notre servitude, enchantement, enchaînement, saut, envoûtement. Clapotis, qui donc, par trop salace, ne cesse là de lécher la mer, m'afflue, obèse, en tous ses plis, muette et complaisante. M sur le dos, masque tragique, bouche entrouverte. Oui, c'est des points de repère, quoi, pour lui, c'est des, comme des petites annotations. Spasme et, je sais pas quoi, s'affole du silence et au, trois petits points, de ce mutisme, cette énigme. Oh là là, c'est curieux de voir ça. L'énigme errante de du, la vie, ce monde, grand être, songe. Ben dis donc, il fallait vraiment qu'il sache où il allait. Très grand, essayer, ajuster, masque, déchiré ou délirant. Oui, ben il n'y a que lui qui pouvait s'y reconnaître quoi, dans tout ça. Ah oui, c'est drôle hein, de voir le... Moi, je pensais que ça venait un peu comme des paquets de phrases, comme chez Claudel, alors lui qui... Entre 8h et 8h30, plein d'inspiration, posait la plume, il reprenait exactement pareil le lendemain. Mais alors lui, c'est vraiment un travail de fourmi, hein, incroyable. Eh oui, parce qu'on voit vraiment pas où il va, quoi. Et sur la grève de mon corps, l'homme né de mer s'est allongé. Qu'il rafraîchisse son visage à même la source sous les sables et se réjouisse sur mon air comme le dieu tatoué de fougère mâle. Mon amour, as-tu soif? Je suis femme à tes lèvres plus neuves que la soif. Et mon visage entre tes mains comme aux mains fraîches du naufrage. Oh, qu'il te soit dans la nuit chaude, fraîcheur d'amande et saveur d'aube, et connaissance première du fruit sur la rive étrangère. J'ai rêvé l'autre soir d'îles plus vertes que le songe, et les navigateurs descendent au rivage en quête d'une eau bleue. Ils voient, c'est le reflux, le lit refait des sables ruisselants. La mer arborescente y laisse s'enlisant ses pures empreintes capillaires comme de grandes palmes suppliciées, de grandes filles extasiées qu'elles couchent en larmes dans leur pagne et dans leurs tresses dénouées. Peut-être arrêté dans la poésie de Perse par une sorte d'ampleur qui est en lui. Antoine Rebaud. Mais chez Perse, peut-être, ce qui... Alors ça, c'est un thème qu'il traite en parlant de la vague. Et il y a chez lui la volonté de dilater au plus loin une énergie qu'il met en branle. Et la chose est extraordinaire dans le grand poème d'amour, par exemple, d'Amer, dans lequel la montée du désir est aussi loin que possible, et au moment où le plaisir éclate, à ce moment-là, l'étalement de la mémoire, de la rumeur, des échos du désir se fait. Mais dans le même temps qu'il fait cet éloge de la vague, si l'on peut dire, il fait l'éloge de l'éclair. Alors, je crois qu'il y a quand même une première chose, c'est de voir que l'ampleur que nous avons est une brièveté. Hein, si on appelle bref le fait d'une énergie très tendue par rapport à son volume. Alors, en effet, mais alors, à ce moment-là, comment naît le poème ? On a un seul exemple qui est un carnet qu'on a pu retrouver après que toute cette aventure, ce soit la mort et tuer les deux protagonistes, c'est-à-dire lui et Dorothée Léger qui détenait tout ce qu'il avait. Mais on peut imaginer qu'il y a une très immense germination, un grand foisonnement du poème. Et à ce titre, on ne peut pas appeler ça quelque chose de solennel, c'est plutôt quelque chose de pulsionnel. Le poème sème, reprend, repart. Et à un certain moment, il y a une sorte d'action cruelle sur le poème. Et le poème est abrégé avec une cruauté au sens même où Artaud emploie le mot de cruauté. Et quand je parle du pulsionnel, c'est très curieux quand même que dans ce qui reste, quand on regarde comment l'ampleur se fait, elle se fait avec des moyens curieux. Il a une syntaxe extrêmement pauvre. Enfin, pauvre, c'est-à-dire volontairement pauvre, ascétique. Et à la différence, par exemple, de Mallarmé, qui, curieusement, dans Un coup de dé n'abolira jamais le hasard, la syntaxe est immense et le texte est au contraire tout troué de blanc. Lui a une syntaxe très pauvre et le texte est totalement foisonnant. Et comment le texte opère-t-il ? Par des procédés subreptices, par des procédés qui sont des procédés en même temps que extérieurement ça se donne comme une sorte de solennité de plein champ. Si l'on regarde par-dessous, c'est une terrible dérive du sens. Hein, un mot vient, appelle un autre mot, mais de façon que j'appellerais clandestine. Hein, c'est le corps des mots qui s'appelle comme ça. Il y a une espèce de désir des mots les uns vers les autres contre la police académique du sens et des choses de cet ordre. Et ainsi, le texte est plutôt, dans une certaine mesure, une dérive contrôlée, une dérive poussée le plus loin possible. Et alors, ainsi, le discours s'en va, le discours décline. Et alors, si on met ensemble tout cela, on voit que la syntaxe dont il s'agit n'est pas une grande syntaxe qui bâtit, c'est plutôt une syntaxe d'un autre ordre. Et moi, c'est une syntaxe aussi qui refuse l'articulation, le jointoiement trop fort. Et en fait, c'est une syntaxe d'ascendette. Et cette syntaxe d'ascendette a pour effet de produire une narration d'irruption. Quelque chose surgit d'une association de sons, d'une équivoque étymologique, ainsi on va de surprise en surprise. Et ces surprises sont d'autant plus dangereuses, si je peux dire, qu'elles sont chargées d'une mémoire totalement encyclopédique qui, à la faveur de ces surgissements, fait surgir d'autres époques, d'autres cultures. On peut voir défiler dans un seul verset, comme on dit, on peut voir défiler peut-être 3 ou 4 civilisations qui, aussitôt nées, disparaissent. Et ici, pour moi, l'image que j'ai, c'est au contraire l'image d'une intense fragmentation. Et d'une fragmentation, je ne peux pas trouver de meilleur exemple que ce qu'on appelle dans les grandes épopées les Nekuya, les descentes des héros au royaume des morts, descentes d'Ulysse dont on dit qu'il lève les morts comme des feuilles mortes sous ses pas, ou descentes de Dante et de Virgile, et avec les gens perdus qui lui disent « va dire qu'un jour à Florence, et voilà qu'un autre cercle, un autre ouragan arrive, un autre vent qui apporte d'autres formes, qui dit « et moi tu diras qu'un tel ?» et le voilà qui s'en va. Et pour moi, toute la poésie de Perse est dans cette immense épopée du discontinu qui est en même temps est une immense rumeur et qui met tout en rumeur sans pour autant épuiser, si l'on peut dire, la description et l'expression de cette rumeur. Plaisir sacré inonde sa demeure, et la jubilation très forte est dans la chair, et de la chair dans l'âme et l'aiguillon. J'ai vu briller entre tes dents le pavot rouge de la déesse, l'amour en mer brûle ses vaisseaux, et toi tu te complais dans la vivacité divine, comme l'on voit les dieux agiles sous l'eau claire, où vont les ombres dénouant leur ceinture légère. Hommage, hommage à la diversité divine. Une même vague par le monde, une même vague notre course. Étroite la mesure, étroite la césure, qui rompt en son milieu le corps de femme comme le maître antique. Tu grandiras à licence, la mer lubrique nous exhorte et l'odeur de ses vasques erre dans notre lit. Rouge d'oursin, les chambres du plaisir. Moi je crois profondément, je sais que ce n'est pas ce qu'il a laissé entendre, puisqu'il a laissé entendre qu'il écrivait beaucoup et qu'ensuite il élaguait. Moi, je crois, pour avoir vraiment regardé tous les manuscrits de près, et puis sur la base peut-être d'autres indices, qu'il écrivait peu et que son mode de construction des textes était plutôt un mode d'amplification. Je crois qu'il avait des sortes de déclics, d'images fulgurantes. Enfin, il a parlé de la fulguration de l'éclair. Et je crois qu'il avait des expressions qui chantaient en lui, des expressions qui lui plaisaient particulièrement, et que c'est un peu ainsi, il disposait sur la page ses expressions, et après il fallait relier les expressions entre elles. Submersion, soumission. Que le plaisir sacré t'inonde sa demeure, et la jubilation très forte est dans la chair, et de la chair dans l'âme et l'aiguillon. J'ai vu briller entre tes dents le pavot rouge de la déesse. L'amour en mer brûle ses vaisseaux, et toi tu te complais dans la vivacité divine, comme l'on voit les dieux agiles sous l'eau claire, où vont les ombres dénouant leur ceinture légère. Hommage, hommage à la diversité divine. Submersion, soumission, la ligne suivante. Olivier Germain Thomas. On aura jubilation et juste après on a aiguillon. Quelle trouvaille chez Perse, car en fin de compte il prend le son on, qui est une espèce de hannement de l'amour, il le mouille avec le i qui est juste avant. Et il joue bien évidemment sur le système d'assonance entre ces trois mots qui ne sont pas du tout installés là parce qu'il y aurait une idée à développer, mais qui sont installés là pour leur jeu de sonorité et en même temps pour les espèces d'ouvertures qu'ils ouvrent au corps eux-mêmes. Et en même temps, on s'aperçoit dès le départ que le corps va être l'acteur principal de cette rencontre amoureuse, mais qu'il va être en même temps aussi soumis à quelque chose de plus grand que lui. Et cette soumission, on va la voir dès que va intervenir le domaine du divin, c'est-à-dire des dieux et des déesses. J'ai vu briller entre tes dents le pavot rouge de la déesse. Alors soudain, celui qui est penché sur celle qu'il aime voit entre tes dents, c'est-à-dire la langue, le pavot rouge de la déesse. Quelle déesse? Est-ce Morphée? Est-ce au contraire, comme Kali, une déesse couverte de sang? Peu importe, ça n'est pas dit et ça ne doit pas être dit. On doit simplement être en face d'une déesse qui, par le pavot, nous entraîne vers des éléments de drogue, d'un autre monde, nous fait basculer ailleurs, et en même temps avec le rouge, parce que bien entendu on sait que le pavot est rouge, donc s'il le rajoute, c'est pour nous montrer le sang de la chair, qui est aussi peut-être le sang d'une certaine mort, la mort qui se joue forcément dans la rencontre mort et résurrection, dans la rencontre de tout corps. L'amour en mer brûle ses vaisseaux, donc ça le thème de la mer récurrent à travers tout le poème de Perse qu'on trouve tout de suite, et puis cette brûlure qui est un peu aussi en quelque sorte un écho à ce qui était rouge, qui était de l'ordre du sang et qui est aussi de l'ordre du feu. Étroite la mesure, étroite la césure, qui rompt en son milieu le corps de femme comme le maître antique. Tu grandiras, licence, la mer lubrique nous exhorte, et l'odeur de ses vasques erre dans notre lit, rouge d'oursin les chambres du plaisir. Tu grandiras, licence, la mer lubrique nous exhorte. Ah voilà, que cette mer qui était légère ou qui appelait le rouge, elle est en même temps lubrique. Et dans lubrique, je vois aussi quelque chose d'un peu ludique qui nous a été légèrement suggéré tout à l'heure. Il suffit d'un léger déplacement pour être aussi dans le jeu. Et l'odeur de ces vasques erre dans notre lit. Alors bien sûr, bon, les odeurs maritimes liées aux odeurs des corps et aux odeurs de l'amour, la vasque, bien sûr, ce qui a gardé longtemps les choses, ce qui a gardé longtemps les humeurs de l'un et de l'autre, jusqu'à la finale, rouge d'oursin les chambres du plaisir. Donc on retrouve le rouge de la déesse, on retrouve les oursins de la mer, mais on retrouve aussi le piquant de l'oursin, parce que justement il n'y a rien de mièvre. C'est-à-dire qu'il a joué sur tout, il a joué à la fois sur la violence, il a joué sur la douceur, il a joué sur les élongements, il a joué sur la patte même de la langue et la patte même des corps qui, comme des terres glaces, se sont malaxées les unes les autres, jusqu'où ? Jusqu'aux chambres du plaisir, les chambres du corps, mais en même temps on sait très bien que ces chambres ouvrent aussi sur un autre domaine, celui où sont les dieux. Stockholm, décembre 1960. Colloque avec des écrivains et des critiques suédois, Sanjon Pers. Qu'est-ce que vous appelez hermétique ? Parce que la poésie lyrique moderne n'est pas accessible au grand public. Non, je vais vous dire, il y a deux façons de comprendre l'hermétisme. Si vous appelez l'hermétisme la forme elle-même, qu'on a une forme obscure ou compliquée, enfin, si c'est la forme, c'est inadmissible. Si c'est le fond qui est obscur, mais c'est la matière même de la poésie. Quand vous maniez les thèmes éternels, et qui touchent, qui approchent presque de la métaphysique, les thèmes éternels, la vie, la mort, etc., c'est le mystère humain. Et le poète aura toujours à se mouvoir, que ce soit dans l'ordre collectif ou que ce soit dans l'ordre individuel, il aura toujours à se mouvoir dans ce mystère irréductible où nous baignons tous. Et son rôle est de l'explorer, jusqu'à l'ineffable, jusqu'à l'insaisissable, jusqu'à des prémonitions, jusqu'à des perceptions très subtiles. Eh bien, pour explorer tout ça, il explore une matière qui est obscure. Mais l'âme humaine est obscure aussi. Tout est obscur. Ça, c'est légitime. Ça n'est pas ce qu'on appelle l'hermétisme, ou c'est un hermétisme absolument légitime. Si vous parlez de l'hermétisme de la forme, non. Gens de poussière et de toute façon, gens de négoce et de loisirs, gens des confins et gens d'ailleurs, ah, gens de peu de poids dans la mémoire de ces lieux, gens des vallées et des plateaux, et des plus hautes pentes de ce monde à l'échéance de nos rives, flaireurs de cygnes, de semences et confesseurs de souffle en ouest. Suiveur de pistes, de saisons, leveur de campements dans le petit vent de l'aube, oh chercheur de points d'eau sur l'écorce du monde, oh chercheur, oh trouveur de raisons pour s'en aller ailleurs, vous ne trafiquez pas d'un sel plus fort quand, au matin, dans un présage de royaume et d'eau morte hautement suspendue sur les fumées du monde, les tambours de l'exil éveillent aux frontières l'éternité qui bâille sur les sables. Alors si on regarde donc ce brouillon de la suite 4 d'Anabase, on voit au début, écrit à l'écriture violette, des feux de ronce, des feux de sable. Et cette expression, nous allons la retrouver ensuite dans Chronique 3. Nous avons une expression qui est « le sang de l'hydre ». Donc c'est dans un des premiers états qui n'a pas été retenu pour la publication définitive, n'a point séché pour nous au feu des sables, au feu des ronces, au feu des dunes. Donc on retrouve exactement la même expression, le même modèle, feu des sables, feu des ronces. Les mots sont disposés les uns sous les autres dans le manuscrit. Voilà, dans la première version, il superpose plusieurs mots avant de trancher finalement celui qu'il va adopter. Voilà. Alors c'est ce que Albert Henry, qui est un très grand critique de Saint-Jean-Perse, qui l'a connu d'ailleurs, appelle des palettes, un peu comme la palette d'un peintre où l'on va sélectionner les couleurs. Alors ici, on a des palettes de mots, et puis on va choisir dans ces palettes. Il n'y a pas d'accolade, mais c'est presque comme s'il y avait ces fameuses accolades des mathématiciens, trois éléments entre lesquels on peut choisir. Alors ainsi, vous avez au centre deux, et on peut choisir entre plusieurs mots qui seraient varec, terre ou algue. Ainsi, à côté de terre, on peut choisir encore entre rouge et rousse. Et ainsi, à côté d'algue, on peut choisir entre rousse, commun à terre, terre rousse, algue rousse, et on peut choisir aussi entre sèche. Et au bout du compte, on lit, et dans l'embrasement d'un soir, au senteur d'algues sèches. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins le sens qu'il a emporté que des considérations autres. Et on pourrait dire, par exemple, qu'il y a une sorte de modèle commun à terre rouge ou algue sèche. C'est que les mots sont à chaque fois bisyllabes dans l'écriture, deux syllabes pour algue comme pour terre, pour rouge comme pour rousse ou comme pour sèche, monosyllabes dans une prononciation ordinaire. On peut voir aussi que ce qui est intéressant, c'est que les deux mots se terminent par un « e » muet. Donc ce sont ces fameux mots féminins dont la poésie a toujours dit qu'ils étaient plus doux que les autres. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la séquence qui est retenue, « algue sèche », on trouve la voyelle « a » et la voyelle « e », qui me semblent des voyelles de prédilection de Saint-Jean-Perse et qui étaient déjà les voyelles de prédilection de Chateaubriand, qui est une des grandes figures de son panthéon personnel, je crois. Puis ces mouches, cette sorte de mouche, et le dernier étage du jardin, en appel, j'irai. Je parle dans l'estime. Sinon l'enfance, qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus? Pleine, pente, il n'y avait plus d'ordre, et tout n'était que règne et confins de lueur. Et l'ombre et la lumière alors étaient plus près d'être une même chose. Je parle d'une estime. Aux lisières, le fruit pouvait choir, sans que la joie pourrit au rebord de nos lèvres. Et les hommes remuaient plus d'ombre avec une bouche plus grave, les femmes plus de songes avec des bras plus lents. Croissent mes membres, épaisent, nourris d'âge. Je ne connaîtrai plus qu'aucun lieu de moulins et de cannes pour le songe des enfants, fût en eau vive et chantante ainsi distribuée. À droite, on rentrait le café, à gauche, le manioc. Oh, toile que l'on plie, oh, choses élogieuses. Et par ici étaient les chevaux bien marqués, les mulets au poil ras, et par là-bas les bœufs. Ici, les fouets, et là, le cri de l'oiseau Anao. Et là encore, la blessure des cannes au moulin. Et un nuage violet et jaune, couleur d'Icac, s'il s'arrêtait soudain à couronner le volcan d'or, appelait par leur nom du fond des cases les servantes.

Quand vous aurez fini de me coiffer, j'aurai fini de vous haïr. L'enfant veut qu'on le peigne sur le pas de la porte. Ne tirez pas ainsi sur mes cheveux. C'est déjà bien assez qu'il faille qu'on me touche. Quand vous m'aurez coiffé, je vous aurai haï. Cependant, la sagesse du jour prend forme d'un bel arbre. Et l'arbre balancé qui perd une pincée d'oiseau aux lagunes du ciel écaille un vert si beau qu'il n'y a de plus vert que la punaise d'eau. Ne tirez pas si loin sur mes cheveux. L'éloge, bon, c'est la parole d'un moment où le monde allait de soi, d'une certaine façon. Mireille Sacotte. Donc, c'est la parole qu'il apprend au début, enfin, du moins, c'est ce qu'il raconte, et c'est ce dont il donne l'idée pour fêter une enfance, et éloge même. C'est l'image d'un monde, au fond, sans faille, où chaque objet est parfait, est parfaitement à sa place en face des autres objets. Je dis objets, mais dans un sens très général, ça peut être les animaux, ça peut être les hommes, ce sont les constellations, c'est la lune, c'est le soleil. En fait, chaque chose est bien à sa place, est parfaite et reflète à l'infini la perfection du reste du monde. Vous voyez ? Donc il y a comme un système d'écho qui se fait. Et effectivement, le poème lui-même est fait sur tout un réseau, sur tout un système d'échos, d'éloges, de louanges. Oui, un reflet infini entre le monde, l'homme. On a par exemple une scène dans Images à Crusoé où on voit Crusoé allongé sur la terre, sur son île, comme une pomme renversée. Bon, la pomme renversée qui renvoie, avec les lignes de la main, en fait, hein, avec le destin qui est écrit dans les lignes de sa main, qui renvoie l'image de la perfection écrite dans les signes que proposent les étoiles, les astres, vous voyez. Donc là, il y a cet écho, ce va-et-vient entre la signification fondamentale qui est que le monde est bel et bon tel qu'il l'a trouvé en naissant dans les îles. Évidemment, ça disparaîtra par la suite. En grande partie, très souvent, le poème naît à partir d'un manque, à partir de l'exil, à partir de quelque chose qui finalement s'est mis à disparaître. Enfin, le monde est miné quand même, hein, à partir d'un certain moment. Mais alors, ça c'est quelque chose, je pense, qu'il a appris à partir de la Chine, ou en tous les cas qui apparaît dans Anabase pour la première fois. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de convocation de toutes les forces de la volonté. Il y a un pouvoir de la volonté qui est important chez Saint John Perse. Il convoque le monde, il convoque la réalité de façon à ce qu'elle s'oppose à ces failles, à ces dangers qui menacent. Et donc, presque dans tous les poèmes d'exil, il y a un moment où surgit le néant, la faille, la mort sous toutes ses formes. Et toujours, c'est à un moment donné escamoté et à la place de la mort surgit autre chose, surgit la vie, surgit une renaissance ou simplement le cavalier qu'on voit traverser les étendues fait demi-tour, vous voyez, et retourne vers les terres habitées, habitables. Il y a quand même... le néant existe, hein, est un thème présent, mais en fait il est refusé, il est par toutes sortes de moyens... neutralisé, je dirais. Journée importante aussi sur le plan littéraire et artistique. En effet, aujourd'hui, le prix national des lettres a été remis à M. Saint John Perse par M. André Malraux. Et voici la courte déclaration que le ministre a adressée à Saint John Perse. Et vous entendrez également la réponse de ce dernier. 1959. Cher ami, lorsque j'étais, après vous d'ailleurs, dans le désert afghan, les fouilleurs qui travaillaient avec moi espéraient chaque jour trouver le quadrige de bronze vert qu'Alexandre, dit-on, avait fait dresser sur le tombeau de Bucéphale. Je pensais alors à Anabase pour l'épopée, pour le cheval et pour le bronze. Aujourd'hui, vous venez d'achever cet admirable poème où la poésie semble regarder de haut les derniers remous de la turbulence divine. Pour tous les écrivains de ma génération, votre œuvre a incarné la poésie dans ce qu'elle semble porter en elle d'invulnérable. Acceptez donc que l'hommage du jury du Grand Prix National des Lettres se joigne ici à l'hommage qui vous a été rendu par tous les poètes de langue française cet été lorsqu'ils vous ont reconnu pour leur maître. Je pense que c'est un honneur pour ce jury. Je suis certain que c'en est un pour moi. Monsieur le ministre, messieurs, j'ai été heureux d'accepter ce prix en raison de son caractère national. C'est mon allégeance française qui se trouvait affirmée là. Il n'est pas pour moi d'écriture internationale. Et nulle œuvre française ne pourrait prétendre à quelque universalité qu'elle n'en tienne la grâce d'une vocation plus étroitement française. Mais c'est la poésie elle-même qu'il importe ici d'honorer. La France cartésienne ne lui a pas toujours été très favorable. Aujourd'hui, où l'homme s'ouvre plus complexe à plus de nuit humaine, qu'elle hante parmi nous le tumulte du siècle, et elle jouera aussi son rôle, à notre insu, dans cette rénovation humaine où la France est active. Pékin, 1917. Mère chérie, toujours entre nous, cette sensation de distance, et tout autour de moi, l'espace. Tant d'espace qui se fait épaisseur et durée. Je vous écris du fond d'un petit temple bouddhiste, sur une éminence rocheuse au nord-ouest de Pékin, où j'ai pour quelques jours trouvé refuge contre la fatigue et contre un redoutable été. La paix ici est grande pour l'esprit, la marge incommensurable et les nuits parfaitement reposantes loin du bruit de la ville chinoise. On entendrait se consumer le temps. Ce temps dont la dissipation en Chine semble plus lente qu'ailleurs. Si l'on observe la composition de la bibliothèque de Saint-Jean-Perse, qui est conservée par la Fondation Saint-Jean-Perse d'Aix-en-Provence... Jean-Luc Anguéard. On voit d'abord un grand nombre d'ouvrages sur l'Asie. Il y a à peu près, je crois, 300 titres dans la bibliothèque sur l'Asie. Et on y trouve des ouvrages aussi bien sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, que sur la Chine et sur le taoïsme. Donc, certains de ces ouvrages sont d'ailleurs annotés de la main du poète. Et je voudrais juste citer effectivement un ouvrage que Saint-Jean-Perse a annoté à la fin de sa vie, 2 ans avant sa mort, en 1973, qui est en fait un ouvrage sur un grand penseur hindou, qui est Shankara. Et dans un ouvrage donc de Dubost sur Shankara et le Vedanta, il a souligné une phrase à la main, qui est l'état de pure conscience où le soi individuel se résorbe dans la réalité infinie. Pour moi, cette phrase montre bien que depuis la période où il est venu donc en Chine, en 1916, jusque pratiquement à sa mort, il aura été toujours influencé et marqué par ces philosophies asiatiques. Alors on retrouve cette influence, bien sûr, dans Anabase, mais aussi après, dans les autres œuvres de Saint-Jean-Perse, et je pense particulièrement à Amère. Comment est-elle perceptible, alors ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément que l'on peut retrouver, c'est d'abord l'évocation poétique des éléments naturels, simples, que l'on peut observer autour de soi. Pluie, mer, désert, oiseau, que l'on retrouve d'ailleurs souvent comme titre dans plusieurs des œuvres de Saint John Perse. Donc là, après, comme élément plus spécifiquement chinois, qu'est-ce qu'on retrouve comme marque? Alors, moi, je dirais que dans l'art chinois, on voit que l'importance du mouvement, du rythme, est très importante dans les textes chinois sur l'art. Et je voudrais justement, en contrepoint, ou plutôt en illustration, citer une phrase de Saint John Perse que je trouve particulièrement éclairante et qui est la suivante. La poésie est pour moi avant tout mouvement dans sa naissance, comme dans sa croissance et son élargissement final. Ça me paraît tout à fait correspondre à cette conception de l'esthétique selon les traditions chinoises. Alors je crois qu'il y a aussi autre chose dans la Chine traditionnelle, c'est que la méditation et l'action créatrice sont très liées et que Saint John Perse a pratiqué ces deux activités en Chine. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il allait écrire Anabase retiré dans un temple à quelques kilomètres de Pékin. Et quand il dit « grand âge, nous voici », on sent qu'il n'y a pas d'inquiétude ou d'amertume, mais qu'au contraire, il y a presque une jubilation d'arriver enfin à cette période de maturation. C'est là aussi où l'influence orientale est très importante, c'est qu'effectivement, selon d'ailleurs l'Inde, on doit passer par différentes étapes dans l'existence, et que la dernière étape est l'étape de la libération, l'étape où on se retrouve enfin avec une liberté totale dans sa vie, parce qu'on a retrouvé l'harmonie. Grand âge, nous voici. Rendez-vous pris et de longtemps avec cette heure de grand sens. Le soir descend et nous ramène avec nos prises de haute mer. Nulle dalle familiale où retentisse le pas d'homme, nulle demeure à la ville, ni cour pavée de roses de pierre sous les voûtes sonores. Il est temps de brûler nos vieilles coques chargées d'algues. La croix du sud est sur la douane, la frégate aigle a regagné les îles. L'aigle harpie est dans la jungle avec le singe et le serpent de vin, et l'estuaire est immense sous la charge du ciel. Grand âge, vois nos prises, vaines sont-elles et nos mains libres. La course est faite et n'est point faite, la chose est dite et n'est point dite. Et nous rentrons chargés de nuit, sachant de naissance et de mort plus que n'enseigne le songe d'homme. Après l'orgueil, voici l'honneur. Et cette clarté de l'âme florissante dans l'épée grande et bleue. Aix-en-Provence, à la Fondation Saint John Perse. Joël Garde-Tamine. Il aimait beaucoup aussi les doubles sens. Un sens technique, que le lecteur ne soupçonnera pas, sauf s'il a la patience d'aller chercher dans un dictionnaire. Et puis un sens tout à fait poétique. Alors l'expression d'Anabase et de l'éponge verte d'un seul arbre, le ciel tire son suc violet. Alors bien sûr, on s'attarde sur le contact entre l'éponge qui est moelleuse, et puis qui exprime un suc, et puis au contraire l'arbre qui est une matière plus dure. On regarde les couleurs, le vert, le violet, c'est extraordinaire, mais on ne regarde pas le dictionnaire, où on s'aperçoit que éponge est un terme technique de botanique qui désigne un cal à la surface des arbres. Donc, et de l'éponge verte d'un seul arbre, ça veut dire à partir du cal qui a poussé sur la surface d'un arbre. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire qu'il y ait cette espèce de jeu, d'amusement, de sourire, très certainement. Le mot, dans sa plus grande simplicité, dans sa plus grande spécificité, et qui tout d'un coup va ouvrir sur une image extraordinaire, avec des harmoniques, avec un déploiement, un chatoiement. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Le vrai drame du siècle est dans l'écart qu'on laisse croître entre l'homme temporel et l'homme intemporel. L'homme éclairé sur un versant va-t-il s'obscurcir sur l'autre et sa maturation forcée dans une communauté sans communion ne sera-t-elle que fausse maturité? Ô poète indivis, d'attester parmi nous la double vocation de l'homme. Je peux dire l'histoire dans laquelle j'étais témoin. C'est une chose qui est, que je trouve très jolie et qui est à la fois un masque et un sourire du masque. C'est le, ce que dit, racontait Dorothée Léger, c'est que le jour du Nobel, comme les journalistes suédois avaient été un peu prévenus de qui allait l'avoir, ils assiégeaient la porte des Vigneaux. Et alors, il est, le Saint-John Perse, enfin Alexis Léger, faut-il dire dans ce cas-là, est allé chercher un pêcheur qu'il connaissait au village, et il lui a demandé d'aller avec lui en barque, en bas, là, sur la mer qu'on voit au-dessous de nos fenêtres, là. Et il s'est retourné vers sa femme, et superbe, mais à mon avis, évidemment souriant, surtout à sa femme qui était éminemment humoriste, il lui a dit « Vous leur direz que le poète est en mer ». Et je crois que là, on voit très bien le sourire du masque. Honneur au prince sous son nom, la condition de l'homme est obscure, et quelques-uns témoignent d'excellence. Au soir de grande sécheresse sur la terre, j'ai entendu parler de toi de ce côté du monde, et la louange n'était point maigre. Ton nom fait l'ombre d'un grand arbre. J'en parle aux hommes de poussière sur les routes, et ils s'en trouvent rafraîchis. Saint-John Perse, c'est beaucoup de choses. Il y a vraiment... D'ailleurs, on ne peut pas savoir quelle est la vraie raison, mais je crois que s'il a choisi ce pseudonyme, c'est justement parce qu'il ouvrait sur toutes sortes d'interprétations. Alors, il y a la Perse, bien sûr. Il y a le fait que Perse désigne une variété d'arbres aux Antilles. Il y a l'allusion au poète latin Perse. Et même s'il a dit que les Latins, il ne les aimait guère et qu'il était celte, en fait, les Latins l'ont beaucoup influencé. Il y a... Le mot « saint » est pour quelqu'un qui s'est appelé pendant longtemps, première forme du pseudonyme « Saint Léger Léger », il y a ce rappel. Il y a l'île Saint-John aux Antilles, donc il y a le rappel des Antilles. Et puis il y a probablement aussi le souvenir des lectures d'enfants, et donc nous revoilà avec cette enfance dont il ne s'est jamais défait, puisque lorsqu'on ouvre le dictionnaire, on voit qu'après Saint Léger, pas très loin de Saint-Léger, il y a Saint-John, juste avant, je crois, oui, Saint-John. Et il y a donc la mention du personnage qui s'appelait Saint-John. Il y a une famille, et parmi ces Saint-John, il y en a un qui s'appelle Percy Saint-John. C'est-à-dire exactement l'inverse de Saint-John Perse. Or, qui était ce Percy Saint-John? C'était un journaliste et un écrivain pour enfants, qui en particulier avait écrit un Robinson des mers du Nord. Et pour un petit élève fasciné, comme beaucoup de petits élèves de sa génération, par Robinson Crusoe, il est évident qu'il ne pouvait que rêver sur ce Robinson des mers du Nord et sur ce Percy Saint-John. Donc tout se tient là encore. Derrière ce seul mot, on peut lire toute son histoire. D'ailleurs, son premier poème, c'est « Image à Crusoe ». C'est « Image à Crusoe », ce qui montre bien que c'est un thème important. C'est... la lecture d'enfance, mais c'est aussi la première fois qu'apparaît le thème de l'exil, puisque, bien sûr, c'est le départ de l'île. Et en particulier, c'est la déchéance, la lente dégradation de vendredi aux prises avec la ville qui le corrompt. À présent, laissez-moi, je vais seul. Je sortirai car j'ai affaire. Un insecte m'attend pour traiter. Je me fais joie du gros orteil à facettes, anguleux, imprévu, comme le fruit du cyprès. Ou bien j'ai une alliance avec les pierres veinées bleues, et vous me laissez également assis dans l'amitié de mes genoux. Le poème de Perse, c'est toujours une caravane qui, à l'aube, s'ébranle et se met en chemin. Et il a toujours eu cet appétit des hauts plateaux, par exemple d'Asie, comme dans Anabase, ou des vagues de l'océan qui sont comme des hauts plateaux, qui se relaient comme dans Exil. Il a toujours eu ce désir de monde. Édouard Glissant. qu'il y avait chez Victor Segalen, qui a eu un moment chez Paul Claudel. Et ça, c'est la marque de cette génération de poètes qui, disons, accompagnant la colonisation ou étant presque des créatures de la colonisation, s'est dégagé de cela pour essayer de concevoir la totalité monde. Et c'est pourquoi je pense que Segalen, Claudel et Saint-John Peirce sont parmi les trois poètes les plus importants de la littérature française de ce siècle. Mon cher ami, j'ai eu seulement hier les pages trop bienveillantes que vous avez voulu consacrer à mon petit livre. Je vous remercie par-dessus tout d'avoir pensé à me défendre littérairement contre l'exotisme. Toute localisation me semble odieuse, aussi bien que toute datation pour nos pauvres fêtes de l'esprit. Autant que d'inactualité, j'ai toujours eu grand besoin d'affranchissement du lieu. Et si je tiens encore, pour une simple question de lumière, à un certain degré de latitude en ceinture à tout notre globe, je hais cordialement toute longitude. Des Antillais même pourraient penser non de mes poèmes qui sont tout simplement français, ni de mes thèmes qui furent toujours étroitement vécus, mais de mon attitude humaine, antérieure aux songes de la vie, qu'il y a là plus d'océanien ou d'asiatique ou d'africain ou de toute autre chose encore que d'Antillais. Lettre à Valérie Larbeau, Paris, décembre 1911. Nous sommes devant la bibliothèque de Saint-Jean-Perse qui était maintenant réunie dans votre fondation à Aix. Quels sont les ouvrages les plus anciens peut-être qui pourraient remonter à l'enfance de Saint-Jean-Perse qu'on retrouve ici? Alors on a effectivement quelques livres qui remontent à l'enfance, on a quelques romans et en particulier on a un exemplaire de Robinson Crusoe que nous allons chercher. Oui. Alors, c'est cette vieille édition d'Hachette et compagnie. C'est un texte en anglais et on peut penser que c'est dans ce texte en particulier qu'il a appris l'anglais. On lit les initiales ses initiales à elle, à l'encre violette, cette même encre violette qu'on a vue tout à l'heure sur les manuscrits. Et ce livre l'a suivi donc depuis la classe de 5e. Dans sa vie d'errance, malgré tous les exils qu'il a connus, ce livre, on le retrouve à la fin de sa vie. Alors, je ne sais s'il l'avait suivi aux États-Unis. Peut-être, plus probablement, était-il resté chez sa mère ou chez ses sœurs en France. Mais quoi qu'il en soit, il l'a retrouvé et conservé jusqu'à la fin de sa vie. Alors, parmi tous les objets également rassemblés ici, on voit les fameux chapeaux. On voit effectivement toute une série de chapeaux qui sont des chapeaux de paille avec un grand bord. Et on l'imagine très bien, tel qu'on le voit d'ailleurs sur un certain nombre de photos au Vigneault, l'œil fixé sur le large et le bord du chapeau effectivement retroussé. Vous des avez jumelles. Aussi des jumelles. Également probablement liées à la mer. Alexis Léger, ambassadeur de France, vient, va, France. On le voit sur une petite étiquette de sa belle écriture. Pour la mer, pour les oiseaux sans doute aussi. Par exemple, lorsqu'il y avait eu cette promenade en Camargue avec Braque dans le parc ornithologique de la Tour du Valat, on peut imaginer qu'il avait avec lui ses jumelles. Et puis on retrouve à travers ces objets également un petit peu les éléments, puisqu'il y a la même monde, donc la terre, il y a ces bateaux en bouteille, donc la mer, il y a ces chapeaux, donc c'est lié quand même au vent, il y a la mer également et au soleil. Donc c'est vraiment tout l'univers de Saint-Jean-Perse qu'on retrouve à travers le non-dit ici. Il est très frappant chez lui que tous les poèmes communiquent entre eux, circulent, qu'au même temps qu'ils rompent à l'intérieur, ils jettent des ponts à l'extérieur. Et ainsi, on a cette espèce, dans cette, ces ponts jetés, ces contacts noués au loin, On a une sorte de naissance du monde. Et je trouve que c'est une des choses qu'on peut penser dans ce lieu où nous sommes, au Vignon, c'est quand on voit, comme nous voyons maintenant devant nous, la mer, le vent qui la bat, ces îles qui se découpent dedans, et qui sont comme une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais une sorte de où la terre est une sorte de morsure dans la lumière, et morsure d'un monde enfant Dieu qui rit. Et je crois que Perse est à cette joie du monde comme ça. Étroits sont les vaisseaux, étroite notre couche. Immense l'étendue des eaux, plus vaste notre empire aux chambres closes du désir. Vous voyez, il regardait là et il disait, là-bas je vois le toit de la maison où est venu mon ami Valérie, Paul Valérie. C'était là-bas. Sur le... Et là, donc, de cette terrasse du Vignot, on voit le mât sur lequel il hissait les différents pavillons. Voilà. Alors, il hissait toujours le pavillon de l'invité qu'il avait. Si c'était un étranger, alors il hissait toujours le pavillon du pays. Et je crois bien que quand Kennedy est mort, il avait mis, ben parce que Madame Léger était américaine, alors il avait laissé, mis en berne le pavillon américain. Donc là, ce qu'on voit, c'est la presqu'île de Gien, l'autre bout de la presqu'île. Ça, c'est la presqu'île, et puis vous avez la rade de Toulon, là derrière. Et Porquerolles est juste en face également, oui. Un peu plus loin. Là, vous avez le Grand Ribaud, c'est cette île qui est là. Alors, il écrit à propos de ce lieu des Vignots qu'il habitait pendant toute la fin de sa vie. Adossé maintenant au loin à sa pyramide de sel blanc, je fais le compte de mes biens et m'élève en ces lieux contre toute menace d'excessive langueur. Il ajoute, m'y aide aussi le Mistral, au nid de tous et de vous-même, chère Mina, il écrit à Mina Curtis, mais dont l'éruption me semble toujours salutaire. Aujourd'hui, on est justement par un temps de fort Mistral, c'était un temps qu'il aimait finalement. Oui, oui, oui, bien sûr, il adorait. Ça devait lui rappeler l'Atlantique. Oui, ah, je pense. Du vent, je pense parce que en fait, il aimait bien. Je crois qu'il a toujours regretté un petit peu l'Atlantique, quoi. Mais Mina Curtis, c'est elle qui lui a procuré cette maison. Si l'on s'intéresse à Saint John Perse et puis qu'on regarde les portraits qui ont été faits de lui, on tombe le plus souvent sur des photos du même photographe. Et ce photographe, c'est vous-même, Lucien Clergue. Vous avez eu un contact, je crois, assez fort avec Saint John Perse. Comment s'est fait cette rencontre ? C'est une rencontre qui s'est faite d'une manière tout à fait inattendue, car j'ai été contacté par un garçon qui prétendait faire une revue littéraire. Je pense qu'il était purement mythomane, car il m'a dit, le poète t'attend, vas-y, et moi je cherchais un prétexte, je ne savais pas comment faire, j'ai sauté là-dessus, je suis arrivé à Gien, je sonne, on vient m'ouvrir, et on me dit, que voulez-vous ? Ben, je dis, je viens de la part de ce monsieur, faire la photo de monsieur Perse, et on revient, on me dit, mais on ne connaît pas ce monsieur, mais vous, on vous connaît, alors vous pouvez entrer. Et j'ai passé 5 heures avec lui, j'ai passé l'après-midi entière. C'était un homme très affable et très accueillant, mais il y avait une magie chez ce personnage qui vous impressionnait beaucoup. Vous savez, il habitait la presqu'île de Gien. Je n'étais pas allé en Guadeloupe où il était né, mais je m'imaginais que c'était comme ça. Une petite île au milieu de l'océan. Et la presqu'île de Gien, à un moment donné, on a l'impression que c'est ça. Alors, on était monté sur la terrasse, il y avait une ravissante petite terrasse, et donc il dominait la nature, il dominait l'océan, comme ça. Et il a eu un geste incroyable. Il avait une ravissante veste, et puis des sortes de bretelles comme ça, extérieures, enfin bref, ça lui allait très bien. Il avait le chapeau de paille, vous savez, à la mode des îles. Oui, il fait choix d'un grand chapeau dans toutes ces villes de bord. Et alors, on fait les photographies, très bien. Il a exigé d'avoir toutes les épreuves pour les classer dans l'ordre de parution. Et il y avait trois jeux. un premier jeu qui était le premier choix, un second jeu qui pouvait passer, un troisième jeu qui était à bannir. Et stupéfaction, recevant ce jeu en retour, tous marqués au dos de sa main, que j'ai gardé précisément, l'une d'elles coupée. Il avait pris une règle, il avait fait un trait derrière, et il avait carrément coupé avec des ciseaux. Et commentaire au dos de la photo, coupé à la ceinture pour exalter le buste. Écoutez, à 80 ans, une élégance comme ça, mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'il vous a expliqué un petit peu, Lucien Clerc, pourquoi il était réfractaire à la photographie? Pourquoi il ne voulait pas se laisser prendre? C'était un côté de chez lui qui refusait, comme la télévision, comme toute représentation de l'homme par rapport au poète. Parce que le poète était pour lui, finalement, je crois, quelqu'un qui était hors de lui. Enfin, c'est, vous savez que la fameuse biographie dans la troisième personne, où il dit le poète, avec cette fameuse phrase, le poète qui était toujours réfractaire à la Méditerranée, un jour, se trouvant au large des côtes de la Corse, s'est réconcilié avec cette mer ignorante de l'ombre. Et ça m'avait vraiment impressionné, parce que quand enfin j'ai pu voyager dans l'océan, j'ai compris pourquoi il disait ça. Étranger dont la voile a si longtemps longé nos côtes, et l'on entend parfois de nuit le cri de tes poulies, nous diras-tu quel est ton mal et qui te porte un soir de plus grande tiédeur à prendre pied parmi nous sur la terre coutumière? Quand on parle de la mer chez Saint John Perse, on a coutume d'opposer, comme il le faisait, la Méditerranée et l'Atlantique. Et c'est peut-être un peu simple, parce que il me semble que la mer l'appelle à beaucoup de titres, et qu'il y a une première mer qui est celle des Antilles, et qui est la Caraïbe, la mer Caraïbe, et j'appellerais ça une mer de résidence. Et puis l'Atlantique qui le hante, et toute la préface de la Pléiade en est remplie, l'Atlantique, moi j'appellerais ça une mer d'itinérance. Et je crois que la Méditerranée, c'est une mer d'affluence. Et si on lit le poème d'Amer, qu'on regarde ce qui a trait seulement à la mer, bien sûr c'est de l'Atlantique, c'est de l'océan. Mais si on regarde tout ce qui se passe devant la mer, ce sont des phénomènes de Méditerranée. Et je crois que c'est cette mer hybride qui à la fois repousse loin l'idée de toute mer, et qui est en même temps la mer sur laquelle, c'est pas une sorte de naissance a lieu, naissance qui est en même temps le royaume des morts. Mais il y a alors un autre exil chez lui, alors qui est un exil qui intervient vers 1940, et je crois que si c'est si fort un exil, c'est pas simplement parce que lui est proscrit de France, mais je crois que c'est parce que le monde entier s'exile de lui-même. Il y a une telle catastrophe dans l'air, et il ne sait pas encore tout ce qui va se passer, mais ça se passe. Et alors à ce moment-là, le lieu d'exil, c'est autre chose, c'est le lieu où justement tout ce qui était ferme, tout ce qui était fondé ou fondateur, a disparu. Et sur cette perte lève d'innombrables scènes nouvelles ou anciennes, c'est-à-dire l'essai de toutes les scènes possibles, la remontée quand toutes les cultures s'abîment dans une sorte de crépuscule des dieux de feu et de sang, à ce moment-là, il y a aussi l'affluence de tout ce qui, précisément, tourne partout dans l'histoire et dans la mémoire de l'homme. Mireille Sacotte. Au fond, il choisira la situation d'exil, par exemple, dès qu'il a été reçu au concours des affaires étrangères, il commencera à travailler à la maison de la presse, et très vite, un an après, il demande à partir en Chine. Là, désir de rupture, désir d'exil à nouveau. Alors c'est un exil voulu, c'est un exil dont il peut rentrer comme il veut, c'est une image de l'exil, mais enfin, bon, il est quand même resté 5 ans en Chine. Ensuite, il rentre, et là, alors, il s'exile d'une certaine façon de sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'il revêt l'habit du diplomate, hein, à partir de ce moment-là, il ne publie plus. Vous voyez, là, il y a une dichotomie dans sa vie elle-même. Et puis, alors évidemment, il y aura la nouvelle rupture de 1940, quand il part en exil. Alors là, cette fois-ci, c'est plus du tout un exil mimé, c'est un exil véritable. Il part sans rien. Du jour au lendemain, il passe par l'Angleterre pour aller aux États-Unis, où il vivra assez mal pendant quelques temps. Mais ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, dans la Pléiade, toutes les lettres écrites à partir du moment où il est en Amérique seront sous la rubrique « lettres d'exil », même une fois qu'il sera rentré en France. Hein, ça, c'est assez étonnant, parce qu'il aura une maison, il sera vraiment réintégré dans tous ses droits, et les lettres qu'il écrit de sa maison d'Evigno porteront la rubrique « lettres d'exil ». Donc il s'est voulu, il a constaté qu'il était un exilé de famille, qui était parti de France, il a constaté qu'il avait perdu les Antilles, et à partir de là, il a choisi l'exil, et l'histoire, au fond, l'a favorisé dans son dessin, on peut dire. Au fond, il était très content d'aller chaque mois signer le papier disant qu'il était étranger, une fois qu'il était aux États-Unis pendant la guerre. Hein. Vous savez que les étrangers étaient astreints à cette signature régulière. Bon, ça correspond à son image de l'homme sur la terre, et puis alors ça correspond à son image à lui du poète véritablement, c'est-à-dire il se veut l'étranger, il se veut celui qui est en marge, pas jamais exactement au même endroit que les autres, un peu à côté, un peu à part, avec si on veut, mais aussi un peu au-dessus. Et le poète aussi est avec nous sur la chaussée des hommes de son temps, allant le train de notre temps, allant le train de ce grand vent. Son occupation parmi nous, mise en clair des messages, et la réponse en lui donnée par illumination du cœur. Non point l'écrit, mais la chose même, prise en son vif et dans son tout. Conservation non des copies, mais des originaux. Et l'écriture du poète suit le procès-verbal. Et ne l'ai-je pas dit, les écritures aussi évolueront. Lieu du propos, toute grève de ce monde. Pour lui, plus sans doute que pour Apollinaire ou pour Sandrart, chez qui il y avait une sorte de fascination pour l'émiettement, chez lui, c'était plutôt la volonté d'arriver à reconquérir un ordre sur le désordre. Et je crois que l'écriture, c'est ceci, le collage, c'est cela, c'est la reconnaissance de cet émiettement, de ce bouleversement, de ce désordre, mais en même temps l'imposition d'un ordre par l'écriture. Terre arable du songe, qui parle de bâtir ? J'ai vu la terre distribuée en de vastes espaces, et ma pensée n'est point distraite du navigateur. Je crois qu'il y a dans la poésie de Saint John Perse un aspect biographique qui est vraiment fondamental, même s'il s'est dit homme de nulle part, il est quand même homme enraciné dans son époque et dans son existence très particulière. Donc il y a cet aspect-là, cette cohérence, et en même temps, élargissant considérablement cette dimension presque anecdotique, il y a une cohérence qui est la cohérence de la pensée d'un homme, justement, en quête de l'unité et en quête, comme il l'a dit, du pur langage des origines. Parce que c'est cela aussi la cohérence de sa poésie, c'est que toute sa poésie est aussi, et c'est un thème très, très moderne, est aussi une réflexion sur l'aventure poétique. Anabase, c'est l'aventure de la poésie. Et depuis Anabase, il n'a jamais cessé de comparer la vague à la phrase, de comparer les élisions du langage aux accidents de la géologie. Il y a vraiment une récurrence très forte, et on sent tout au long de sa poésie, eh bien justement la cohérence de cette pensée. Par son adhésion totale à ce qui est, le poète tient pour nous liaison avec la permanence et l'unité de l'être. Et sa leçon est d'optimisme. Une même loi d'harmonie régit pour lui le monde entier des choses. Rien n'y peut advenir qui par nature excède la mesure de l'homme. L'inertie seule est menaçante. Poète, et celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance. Plus Saint John Perse avancera dans son œuvre, plus l'aventure de l'écriture poétique sera inscrite dans ses poèmes. En fait, à la faveur justement d'images, de métaphores, on passera l'étranger peut être le cavalier, il est plus encore le poète, en fait. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas chez Saint John Perse une inquiétude qui serait, si je peux dire, celle de la disparition du poète? Et s'il n'y avait pas l'inquiétude pire, qui serait l'inquiétude d'une forme de pensée qui trouve son lieu dans le poète? Et à ce titre, n'y a-t-il pas chez lui la volonté d'affirmer le poète comme une sorte de présence indétournable de son sens et qui somme et les autres formes de pensée et un temps sans pensée de cette réalité, comme la réalité d'une montagne dans le paysage ou la réalité de la mer, cette sorte de butée de ce qu'on pourrait appeler un temps de mépris ou de dérision ou d'insignifiance. Mère de Baal, mère de Mammon, mère de tout âge et de tout nom, ô mère sans âge ni raison, ô mère sans hâte ni saison, mère de Baal et de Dagon, face première de nos songes, ô mère promesse de toujours et celle qui passe toute promesse, mère antérieure à notre chant, mère ignorance du futur, ô mère mémoire du plus long jour, et comme douée d'insanité, très haut regard porté sur l'étendue des choses et sur le cours de l'être, sa mesure. Vous savez, l'errance qui n'a pas d'enracinement n'est pas une vraie errance. C'est comme une suspension en l'air. Et Saint John Perse qui, à mon avis, ne voulait pas sacrifier à cette sorte d'enracinement, a été conduit à s'enraciner dans la langue. Pour lui, à la fin, la langue française était le véritable lieu, était la véritable maison. Il a ainsi sublimé ce qui fait la force de tout poète, à savoir avoir un lieu d'où l'on part vers l'ailleurs pour revenir à ce lieu. Il n'a pas pu ou voulu revenir aux Antilles, il ne se sentait pas bien, malgré des années d'expérience administrative et diplomatique, il ne se sentait pas bien dans le monde officiel, il s'est enraciné dans la langue. C'était Saint John Perse, le poète en exil, une émission de Bénédicte Niocret. Fidèle à son office, qui est l'approfondissement même du mystère de l'homme, la poésie moderne s'engage dans une entreprise dont la poursuite intéresse la pleine intégration de l'homme. Se refusant à dissocier l'art de la vie, ni de l'amour la connaissance, elle est action, elle est passion, elle est puissance, innovation toujours qui déplace les bornes. L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout dans l'anticipation. Avec Joël Garde-Tamine, Édouard Glisson, Antoine Rebaud, Olivier Germain Thomas, Mireille Sacotte, Jean-Luc Anguéard, Lucien Clergue, et les voix de Saint John Perse et André Malraux, Archive Phonothèque INA. Texte dit par Michael Lonsdal et Sonia Emmanuel. Enregistrement et mixage, Simone Ronget, Christophe Bompas, Yann Parentoen. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 février 1995. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.